Toutes les autres fois que l'André rencontra la petite Fadette, ce fut à peu près de même. Peu à peu, il s'enhardit à la regarder, car, à mesure que l'âge et la raison lui venaient, il ne s'inquiétait plus tant d'une si petite affaire. Mais, lorsqu'il eut pris le courage de la regarder tranquillement, comme pour attendre n'importe quelle chose, elle voudrait lui dire, il fut étonné de voir que cette fille faisait exprès de tourner la tête de notre côté, comme s'il eût, de lui, la même peur qu'il avait d'elle. Cela l'enhardit tout à fait vis-à-vis de lui-même. Il prit la résolution de l'aborder la première fois qu'il la verrait. Et, ce moment-là étant venu, il fit au moins 10 pas de son côté pour commencer à lui dire bonjour et causer avec elle. Mais, comme il s'approchait, la petite Fadette prit un air fier et quasi fâché. Et, se décidant enfin à le regarder, elle lui fit, d'une manière si méprisante, qu'il en fut tout démonté et n'osa point lui porter la parole. Ce fut la dernière fois de l'année que l'André la rencontra de près, car, à partir de ce jour-là, la petite Fadette, menée par je ne sais quelle fantaisie, l'évita si bien que du plus loin qu'elle le voyait, elle tournait d'un autre côté, ou faisait un grand détour pour ne point le voir. L'André pensa qu'elle était fâchée de ce qu'il avait été ingrat envers elle. Mais sa répugnance était si grande qu'il ne sut se décider à rien tenter pour réparer son tort. La petite Fadette n'était pas un enfant comme un autre. Elle avait toujours les allures d'un gamin. Mêmement, elle affectait de tourmenter souvent Sylvinet. Aussi le pauvre, encore plus que Landry, la croyait sorcière et la détestait bien cordialement. Il avait du mépris pour elle et sa famille, et comme elle évitait Landry, il évitait ce méchant grelet qui, disait-il, suivrait tôt ou tard l'exemple de sa mère, laquelle avait mené une mauvaise conduite, quitté son mari et finalement suivi les soldats. Elle était partie comme vivandière peu de temps après la naissance du Sauterio, et depuis, on n'en avait jamais entendu parler. Le mari était mort de chagrin et de honte, et c'est comme cela que la vieille mère Fadet avait été obligée de se charger des deux enfants qu'elle soignait fort mal, tant à cause de sa chicherie que de son âge avancé, qui ne lui permettait guère de les surveiller et de les tenir proprement. Pour toutes ces raisons, Landry, qui n'était pourtant pas aussi fier que Sylvinet, se sentit du dégoût pour la petite Fadette, et, regrettant d'avoir eu des rapports avec elle, il se gardait bien de le faire connaître à personne.